Voici l'international. Ok, Broyo. Monsieur Minga. Ça va? Babylon est au quoi? Nouvel album. Sorcellerie Kindoki. Là, nous allons à Abidjan pour un concert. Maliaga bien depuis Kala. Sikoyo nopozi esala nga bongo sikoyo soki soit effet a te effet o ya to programme ya mke do e bi maka dite mo bi maka l'accent invitant donc à chaque fois au bout du bruit il faut maka bruit mais on le banga bongo la masala ka bongo donc jamais. Donc, il faut lui mettre des vidéos là. Et puis, le médiateur, il faut aussi me dire. Tu me dis, quand c'est bon, tu vois. Là, c'est qui m'a cassé. Je me dis, quand le passage dans le bas, dans le sabre, c'est ça. Si ma m'a cassé, tu sais, tu veux ça, tu vois. Ça, le possible. Ah, mais il n'est pas venu. Le temps, c'est le temps qui est comme ta belle foi. Allez, tout cas! Yumbe! Yumbe! Yumbe! Yumbe! Yumbe! Yumbe! Yumbe! Oli balagou, allez, moi, Silva, li balagou, ah! Extra musique, Betaki. Merci, vous l'avez compris. Extra musique à Abidjan, monsieur Renard, bonjour, on en parle. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont à la maison. Donc, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas mis pied ici. Ça fait près de 4 à 5 ans qu'on n'a pas mis pied. Et c'est vraiment un grand plaisir qu'on se retrouve encore avec nos fanatiques d'Abidjan, tout le groupe Extra Musique. Nous sommes au total 20. Donc j'ai emmené 20 musiciens que nous allons danser et prédonner ce dimanche. Donc ne manquez pas, les billets sont en vente en ce moment déjà. Donc venez très nombreux, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, quoi. Donc ça fait 6 mois qu'on a préparé et nous sommes venus pas pour blaguer. Rendez-vous surtout le dimanche prochain, à 16h, vous prenez la culture. Merci. Extra Musica, merci à vous. Merci vraiment. Merci. Merci. La tolérance est un amour qui vient d'amener. Et comme Bolani n'a qu'à cravate, moi, si elle nous passe en guise à Kamiba, le musicien n'a qu'à la mandane. Maman qui l'a dit n'a pas gêné. Par la basse pour ma pour un camarade. Bonjour, moi c'est Pacom Bassolé, organisateur du spectacle. On est tout content parce que c'est vraiment un grand groupe. On a rêvé d'avoir ce groupe-là à Abidjan pour un spectacle. Si aujourd'hui on a ce groupe-là, on est tout heureux. Ils vont tuer. ils sont OK. Extra, vous avez tout fait. Vous allez remplir cette salle. Voilà. Merci. On vous salue. Abidjan, vive Abidjan. Oye, Extra, c'est la folie, c'est la mort. Ça va tuer pour tuer. Tuer pour tuer. Merci. Enlève la semaine. Masika, abatona, soma, mulata, yo. Nara, zoa, dena, basu, os. Damo, ayo. Talanda, na, konyo, kate, pora. Oh, mama, ibaranda, zolu, kaye. Zote, zora, kia, yo. O kongu marena, libara aye, rosteba kwa, mama nazo kufaye, poraba souffrance na yo. Et tout c'est bon. Ma belle, satana bebisa, mota sali yo bolamu, kozongi selay ma bete ma bena biso ma tomo kini. Raïssa. Raïssa, pourquoi vous êtes là ce soir? Pour voir Extra Musique. Hein? Vous connaissez le groupe il y a longtemps? Oui, il y a longtemps, depuis que je suis petite. Des années, ça fait 10 ans, ça fait plus que ça. C'est Karoga Roga, c'est autre chose. C'était un gros péché. Fallait que je sois là. Les goûts et les couleurs. Hein? Oh, ben, on va continuer après. Soutenir le groupe. Oui, oui. Oui, oui, oui, je les apprécie bien. Oui. Depuis Cotonou. Je l'ai suivi jusqu'à Porte Nouveau. Bonjour madame. Bonjour. Depuis que le groupe est créé. Depuis qu'Extra est créé, en tout cas, on danse toujours pour Extra. Pour le concert de Extra Musica. Depuis toute petite. Je m'appelle Papa Simon, promoteur culturel, producteur artistique. Et vous êtes là ce soir pour parler de la culture, pourquoi Eh bien, je suis venu voir Extra Musica et puis mon filleul Arafat. Voilà. Partout ils sont, ils assurent. Ils sont forts dans leur domaine. Et Extra Musica, bon, en tout cas, ils vont casser la baraque. Merci. Comme d'habitude, ouais. Merci. Ressentir Nini orchestre en Mboka dans le bétail dans la place de Yikoyekola. Et ça me dit qu'en tout cas, dans Abidjan, en tout cas, parce que la France a idéologie. En tout cas, idéologie est à l'offre parce que ça me dit qu'on a la foule. Bon, on est là pour le conseil d'Extra. Oui, ça fait quand même 12 ans, 13 ans. Extra Musica, parce que franchement, ce sont mes fans. Je suis venu m'amuser normalement. On peut sortir de l'autre côté. Christelle Kendia. Depuis combien de temps vous écoutez le groupe Extra Musica? Depuis toute petite, en tout cas. Ok, merci, c'est très gentil. Merci à vous. Bonjour, comment vous appelez? Mélissa. Mélissa, vous aimez Extra Musica? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait combien de temps que vous écoutez le groupe Extra Musica? Je crois que ça fait plus de 10 ans. Parce vous voulez nous chanter quelque chose d'Extra Musica? Extra Musica. C'est pas chanter trop. C'est très gentil, c'est beau. Depuis combien de temps vous écoutez le groupe Extra Musica? Depuis très longtemps. Bonjour. Extra Musica, ça fait combien de temps? Ça fait mon deuxième concert, le premier était à New York et ça c'est le deuxième. Comment tout l'autre? J'adore mon sens à musique. Ce soir vous attendez à quoi en fait? J'attends m'éclater. Je sais qu'avec eux c'est de l'amusement et bon, donc je suis prête à m'amuser. Et on vous informe aussi de l'extra. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous appelez? Mademoiselle Guy. Vous connaissez le groupe Extra? Oui. Vous aimez? Mais bien sûr, sinon je ne serais pas là. Depuis combien de temps vous écoutez le groupe? Depuis petite en tout cas. Je ne peux pas dire l'année exacte, mais j'aime beaucoup le groupe. Vous êtes... Il t'a dit quoi? Mais si, c'est bon. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous êtes là pour quoi ce soir? Le concert. Ah, voilà, la fourmi.